s'appelle Jean-Philippe Smith, Johnny Hallyday. Thank you. Mais je vais voter. Moi qui vote, ça marche. Ah non, c'est toi. Thank you.

Peace.